The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Crude. Grossier. A cult classic. Cultissime. Addition. L'ajout. Heritage. Le patrimoine. Debate. La polémique. To verge on absurdity. Frôler le ridicule. Mouth. Le bec. Cigarette butt. Le mégot. Highlight. Mettre en avant. Instead of. En lieu et place de. Now, a bit faster. Cigarette butt. Le mégot. Instead of. En lieu et place de. Crude. Grossier. Instead of. En lieu et place de. A cult classic. Cultissime. Cigarette butt. Le mégot. A cult classic. Cultissime. Debate. La polémique. Highlight. Mettre en avant. Instead of. En lieu et place de. Addition. L'ajout. Mouth. Le bec. Addition. L'ajout. Highlight. Mettre en avant. Addition. L'ajout. Highlight. Mettre en avant. Crude. Grossier. Debate. La polémique. To verge on absurdity. Frôler le ridicule. Now, use the words in context. Grossier. You could have tried harder when copying this painting. You didn't make anything but a cheap imitation. Tu aurais pu t'appliquer en reproduisant ce tableau. Tu n'en as fait qu'une grossière imitation. Cultissime. I can't believe that you don't know this movie. It's a cult classic. Je n'en reviens pas que tu ne connaisses pas ce film. Il est cultissime. L'ajout. Originally, the model had no beauty mark. It was added to the photo. À l'origine, le modèle n'a pas de grain de beauté. C'est un ajout sur la photo. Le patrimoine. France is a country that attracts a lot of tourists, thanks to its rich cultural inheritance. La France est un pays qui attire beaucoup de touristes, grâce à son patrimoine culturel très riche. La polémique. After months of debate, the two countries have reached a compromise. Après des mois de polémique, les deux pays sont parvenus à un compromis. Frôler le ridicule. Knowing his personal interests in the matter, his promises of fairness verged on absurdity. Connaissant ses intérêts personnels dans l'affaire, ses promesses d'impartialité frôlaient le ridicule. Le bec. You really smoke too much. You always have a cigarette in your mouth. Tu fumes vraiment trop. Tu as toujours la clope au bec. Mettre en avant. The ideas highlighted by this movie are contrary to my principles. Les idées mises en avant dans ce film sont contraires à mes principes. En lieu et place de. Exasperated by their pupils' behavior, the teachers decided to organize a museum visit in place of the one-week trip that was planned at Euro Disney. Exaspérés par le comportement de leurs élèves,